à mes petits frères du ciel. PN 44. Datation. 28 décembre 1896. Destinataire, Thérèse elle-même. En septembre, elle a composé une image souvenir de ses quatre frères et sœurs morts en bas âge. Voici un puissant complément poétique. Marc M. Dan, archive.org.com. D'après, archive carmellesyeux.fr. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. PN 44. Chanter sur l'air de La Rose Mousse ou bien Le Fil de la Vierge. Heureux petits enfants, avec quelle tendresse le roi des cieux vous bénit autrefois et combla de caresses vos fronts joyeux. De tous les innocents vous étiez la figure, et j'entrevois les biens que dans le ciel vous donne sans mesure le roi des rois. Vous avez contemplé les immenses richesses du paradis, avant d'avoir connu nos amères tristesses. Cher petit lys, au bouton parfumé moissonné dès l'aurore, par le Seigneur, le doux soleil d'amour qui sut vous faire éclore, ce fut son cœur. Quels ineffables soins, quelle tendresse exquise, et quel amour, vous prodigue avec joie notre mère l'Église. Enfant d'un jour, dans ses bras maternels, vous fûtes en prémisse offert à Dieu. Toute l'éternité, vous ferez les délices du beau ciel bleu. Enfant, vous composez le virginal cortège du doux agneau, et vous pouvez redire, étonnant privilège, un chant nouveau. Vous êtes sans combat parvenu à la gloire des conquérants, le Sauveur a pour vous remporté la victoire, vainqueur charmant. On ne voit point briller de pierres précieuses dans vos cheveux, seul le reflet doré de vos boucles soyeuses ravit les cieux. Les trésors des élus, leurs palmes, leurs couronnes, tout est à vous dans la sainte patrie. Enfants, vos riches trônes sont leurs genoux. Ensemble vous jouez avec les petits anges, près de l'autel, et vos chants enfantins, gracieuses phalanges, charment le ciel. Le bon Dieu vous apprend comment il fait les roses, l'oiseau, les vents. Ici-bas nul génie ne sait autant de choses que vous enfants. Du firmament d'azur soulevant tous les voiles mystérieux. En vos petites mains vous prenez les étoiles aux mille feux. En courant vous laissez une trace argentée. Souvent le soir, quand je contemple au ciel la blanche voie lactée, je crois à vous voir. Dans les bras de Marie après toutes ces fêtes, vous accourez, sous son voile étoilé, cachant vos blondes têtes vous sommeillez. Charmant petit lutin, votre enfantine audace plaît au Seigneur. Vous osez caresser son adorable face. Quelle faveur, c'est vous que le Seigneur me donna pour modèle saint innocent. Je veux être ici-bas votre image fidèle petits enfants. Adaignez m'obtenir les vertus de l'enfance. Votre candeur, votre abandon parfait, votre aimable innocence, charme mon cœur. Ô Seigneur, tu connais de mon âme exilée les vœux ardents. Je voudrais moissonner, beau lys de la vallée des lys brillants, ces boutons printaniers, je les cherche, et les aime pour ton plaisir. Sur eux daigne verser la rosée du baptême, viens les cueillir. Oui, je veux augmenter la candide phalange des innocents. Mes souffrances, mes choix, je les offre en échange d'âmes d'enfants. Parmi ces innocents, je réclame une place. Roi des élus, comme eux, je veux au ciel, baiser ta douce face, ô mon Jésus.